là. Hey, ils font des sandwichs devant toi. Puis là, ils mettent de la dinde, du jambon, du salami, comme tu veux. Hey, ils pognent pas ça dans des petits casseaux tout secs, ils arquent. Non, non, non, non. Ils tranchent la viande fraîche devant toi. Puis là, ils te mettent la sauce d'Agoud dessus. D'Agoud, essayez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la place, c'est l'ambiance, c'est le wow. Il est la saveur d'Agoud. Maintenant à Saint-Eustache et à la Chine sur Notre-Dame, angle 10e avenue. S'il n'y a pas de bulle dans Bonga. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans Bonga, il y a des fruits. Juste qu'il faut. Dans Bonga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Il y a des fruits. C'est aux fruits, c'est Bonga. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Fais ça, man. Fais-toi. C'est la seule manière de faire sortir le méchant. C'est la seule manière. Ça a été prouvé. On a Benoît en studio. Bonsoir, Benoît. Salut. Salut, Tony. Salut, Israël. Ça va bien? Israël, bien sûr. Chaque jour est un cadeau. Toujours vers l'avant. Toujours plus droit. Toujours plus fort. Aujourd'hui, à 70%, on a Benoît comme invité. Oui, c'est moi, ça. Fort, hein? Benoît, qui est un animateur des Mystérieux Étonnants. L'émission avant, c'est là qu'on vient d'entendre. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, qui est quelqu'un qui est très intéressé par les choses qui poussent à un questionnement un petit peu plus loin. Que... ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Pas dire ça comme ça, ouais. Ben, sinon, moi, aujourd'hui, à 70%, je vais annoncer, bien sûr, le party qu'on va avoir. En background, on a Skeleton Warrior. C'est un vieux jeu de PlayStation. OK. Moi, je me rappelle qu'on mettait les tunes quand on jouait à Donjon, parce que c'était comme... le fun. Ouais, c'est des tunes genre médiévales. Ouais, c'est ça, avec des épées. Puis tout, je vais parler un petit peu du festival du Nouveau Cinéma qui était à l'Excentrice aujourd'hui. Et puis, je vais commencer par faire... ah, bien sûr, on a le film, c'est Dead Chase. C'est la même gang que Deadly Prey. Deadly Prey qui est pas très bon. Et puis, ben c'est ça, je vais faire une petite pub pour Martin Desbiens, parce que là, on vient de passer la zone de pub. Là, on va faire ça d'un coup. Là. Martin Desbiens, qui est un fan de notre émission, que je connaissais pas avant, qui nous envoie un email à propos de son site Internet. C'est son site internet s'appelle tvweb360.com. C'est hot parce que t'as toutes sortes de canaux de TV. Puis j'ai entendu, j'ai pu écouter His Channel, His Word, avec H majuscule pour Dieu. Puis là, ben, tu sais, t'as des émissions religieuses 24 heures sur 24. Genre Christian, là? Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Quand est-ce qu'ils vont cette année? Là, il y avait un documentaire avec du monde en veston-cravate qui nous disait que toutes les civilisations qui n'ont pas duré dans l'amour de Jésus-Christ sont disparues violentes. Le communisme, les goulags en Russie, ça a coûté comme en mort. Voilà, il faut croire en Jésus. D'accord. J'ai trouvé ça bien drôle. Puis sinon, ben quoi d'autre? Ben moi, je vais parler de notre charmante journée d'hier à moi pis Tommy, parce qu'on a passé une journée de rêve ensemble. Ouais, dans la ça, ça a été pas on mal rock and roll. On s'est amusé. Fait que bon, on va commencer d'abord. Tout de suite, ça va être After the Fire ou Red Rider. After the Fire et Der Kommissar ou Red Rider puis Breaking Curfew. On va laisser Benoît choisir. C'est parce que tes titres sont tellement courts que je m'en souviens tout de suite. Là. Der Kommissar ou Breaking Curfew. Red Rider, c'est le groupe canadien de Tom Cochrane. Puis After the Fire, je ne sais pas pantoute, c'est Breaking Curfew. On va écouter ça. C'est Red Rider avec Tom Cochrane dans le temps que c'était du rock progressif avant de devenir un petit peu plus bonbon à 70% pour un méchant bon show. On vous revient. À tantôt. Avec qui? Avec Jésus. The sound of your own footsteps speak a change. tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de... Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Hey! Aujourd'hui, le film, c'est Dead Chase, hein? Yeah. Mmh. Dead Chase, David A. Pryor. Ça, c'est le réalisateur. J'ai pas réussi à trouver sa date de naissance, ni d'où il vient. Il doit venir des États-Unis. Ouais. Il est parmi nous depuis toujours. Ouais, c'est ça. Et pour toujours. Ouais. Donc, quel homme, ce David A. Pryor? Quel homme? Selon Wikipédia, qui est quand même assez sérieux. Mm-hmm. C'est le seul réalisateur de tous les temps à avoir réussi à produire et réaliser 10 films dans la même année. Moi, je m'en rentrerai pas même. C'est ça. Entre moi et vous autres, je vois pas trop comment ce record-là peut être bien vu. Sauf que vu que Dead Chase, c'est un des 10 films qu'il a conçu entre ce fameux mai 1990 et mai 1991, mais ça rend la chose un petit peu plus noble et pardonnable. C'est 3 ans après le chef-d'œuvre qu'est Deadly Prey que David A. Pryor donna une pause à son frère, son acteur fétiche, qui joua le rôle de Mike Danton dans le classique des classiques qu'est Deadly Prey, pour recycler Jack Cooper en héros. Ce même Jack Cooper est connu dans la vie sous le diminué de William Zip, qui s'allia jadis à Mike Danton pour délivrer, ben en fait pour l'aider à délivrer sa copine. Ce même Jack Cooper pour qui la carte de visite consistait à laisser une grenade découpillée sous la tête d'un gars assommé et la goupiller à son doigt. C'est même Jack Cooper qui mourut juste après avoir délivré la douce Jamie, aimée de notre héros Danton. Ici, dans Dead Chase, Jack Cooper a tout oublié du Vietnam. Il est plutôt Stephen Chase, un conducteur de pépines de Los Angeles qui se fait prendre à un jeu de la mort. Encore? Comment ça se passe? Oui, encore, dit-il pertinemment. Comment ça peut bien arriver? Ben, c'est qu'en fait, il faisait du bicycle avec sa sœur avant de se ramasser par terre un 40.45 magique. Pourquoi il a ramassé le 45 magique? On va le voir dans le film. Pourquoi le 45 est magique? Parce que, un, il n'a jamais besoin d'être rechargé de tout le long du film. Jamais besoin d'être rechargé. Deux, c'est la clé d'un compte suisse avec plein d'argent dedans. Et puis, trois, il fait bip-bip régulièrement pour attirer les autres joueurs. Quelque chose comme un semi-GPS avant son temps, tu sais. Ah, c'est la moto qui parle? Non, c'est okay. Le fusil qui donne de l'argent, en fait. Okay. Mais est-ce que quand tu dis le gun n'a jamais besoin d'être rechargé, c'est vraiment... Jamais. OK. C'est pour... Est-ce qu'on le voit pas ou c'est une de ses particularités au gun? Ben, c'est que jamais il en parle, jamais on le voit. OK. Peut-être que c'est pas ça. Parce que je voyais là une piste avec le livre de Ghislain Tachereau, l'inspecteur Spectre, ouais. Où est-ce que t'as un gun Magnum CC6 qui a jamais besoin d'être rechargé? Ça le fait donner par Satan. Oui, exactement. Bon, ben donc, évidemment, à place de s'interposer ou de réagir intelligemment, Chase entreprend lentement, mais sûrement, de tuer tout le monde. Ah oui, outre Chase, faut pas oublier la présence du gros barbu Steel, l'arbitre du jeu de la mort, capable de se téléporter n'importe où dans la zone déterminée pour ce jeu de la mort. Jeu de la mort qui a lieu, je le rappelle, dans les rues de Los Angeles, en plein jour, durant la même journée. Plein de monde se font tuer par la même arme et un seul flic qui s'avère corrompu mène l'enquête. En somme, c'est bien plate. Moins 8. Ça arrive. Ouais, tu te poses une couple de questions d'un bout à l'autre, mon grand. Pour l'instant, on va aller écouter la première séquence qui est à dire, je me rappelle pas trop, mais je pense qu'on va suivre les méchants dans leur plein méchant. Là, c'est Steele, il appelle. Oui, monsieur Steele. Ouais. Les joueurs 1 et 2 sont éliminés. Le gros a descendu le numéro 1 et un étranger a battu l'autre. C'est lui qui a le revolver. Un étranger? C'est très intéressant. Très intéressant. Très ordinaire. Il s'appelle Stephen Chase. Il travaille sur les chantiers. Que comptez-vous faire? Je vais partir chez lui immédiatement. Dès que je l'aurai éliminé, alors le jeu pourra continuer. Non, bien au contraire, ce garçon m'intéresse. Écoutez, vos précieux talents seront bien mieux utilisés à contrôler les joueurs pour l'instant. Laissons ce monsieur Chase, croyez-moi. Mm-hmm. Ce sera très intéressant de voir jusqu'où un outsider peut résister. Bien, récupérez les corps de ces deux idiots. Et que le jeu continue. Très bien. Comment est-ce qu'il... Un outsider. Ils vont leur dire, on peut pas se tromper. Messieurs, il semblerait que nous ayons un nouveau joueur. C'est un étranger. Son nom est Stephen Chase. Les prochaines heures seront, je crois, particulièrement intéressantes. Oui, particulière. Et surtout distrayante. Oui. Non, mais on sent la fadeur palpable des méchants. C'est incroyable. Là, avant d'aller vers la chronique style de notre ami Israël, qui en a quand même une pas pire, ça va peut-être commencer l'anecdote sur notre journée d'hier. Oui, ben, je vais reparler des hipsters, je l'ai déjà parlé, mais... Oui. Ben, mais... gars, je vais juste... Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que Chase se promène en bicyclette avec sa sœur le matin. Sa sœur se fait pogner dans un feu croisé par du monde qui sont dans le jeu de la mort. Il y a un gun qui tombe à terre. Chase ramasse le gun pour tuer tout le monde, pour venger sa sœur. Puis là, ben, il se fait courir après. Il y a le gros Steel qui arrive puis qui lui explique un petit peu que maintenant, il faut qu'il se sauve. Et son nom de famille, en fait, Chaser. Chase. Il se fait poursuivre. Ouais, c'est brillant. C'est comme de l'auto-masturbation. As-tu remarqué à quel point, quand il y a le... J'imagine que c'est le boss, parce qu'il y a le dialogue particulier d'un boss. Dans l'arrière-plan, dans la musique, t'entends distinctement le battement d'un cœur pour rajouter à la tension. Si tu veux le réécouter, là, il y a un battement de cœur, mais juste quand il y a le boss. Ben, en tout cas, vous pouvez reculer de quelques instants et revenir ici plus tard, mais moi, c'est sûr que la prochaine fois, je vais essayer de remarquer ça. Oui, voilà. Pour l'instant, on va aller voir Chase qui a rencontré sa pitoune du film parce que, tu sais, il y a un fusil, puis là, il se sauve. Oui. Là, il arrête une fille en disant sortez de votre voiture, blabla. Mais la fille sort pas de la voiture, il embarque avec et c'est l'amour. Ah, ouais. Expliquez-moi une chose. Qu'attendez-vous pour aller à la police? Avant de commettre une erreur irréparable? Une erreur? Mademoiselle, vous voulez que je vous dise? Ce matin, ma sœur et moi faisions une balade à bicyclette. Soudain, des coups de feu ont été tirés, ça venait de partout et ma sœur était tuée. Ensuite, une espèce de mollusque m'a donné ça en me souhaitant bonne chance. Alors, j'avoue que j'ai été paniqué, j'ai détalé. Arrivé chez moi, deux types me demandent mon argent et essaient de me tuer. Je leur échappe, mais deux flics attendaient dehors. Juste avant de m'embarquer, un colosse intervient, descend les deux flics avec cette arme et me demande de courir. Alors je cours comme un dingue et c'est là que vous intervenez. C'est une histoire de fou. Si vous étiez flic et que je vous raconte mon histoire, vous me croiriez ? Non. Vous êtes seglé. Là, ça va continuer. Là. Jack Cooper qui s'en va dans une dose d'introspection. Ben, je vais vous mettre un petit peu plus tard avec du saxophone. Je sais plus quoi penser au juste. Y a-t-il une passe de sexe? Oui, avec du saxophone. Les années 80, même. Ouais, c'est une passe de sexe. Je dois réfléchir pour envisager quelque chose. Bon, vas-y. Il reste encore une petite minute trente à l'extrait, là, parce qu'après ça, on va aller voir... Alors, c'est encore ça. Un nouveau carnage? C'est que le policier mène l'enquête, là, celui que je vous ai dit que ça va être... Le légiste, l'arme qui a été utilisée est un 45. Le même calibre qui a servi à descendre les flics. On peut le supposer, lieutenant. Seulement, il y a un détail. Le type qui a fait ça voulait savoir quelque chose. On les a passés à tabac avant de les descendre. On a des renseignements sur eux? Oui. C'était deux anciens tolards. On a retrouvé des armes sur eux. Ils n'ont pas eu le temps de s'en servir. Je crois que ce Chase est un personnage assez diabolique, qu'en dites-vous? Je trouve votre analyse un peu trop simpliste, John. Ouais, enfin, merci. Réfléchissez une seconde. Voici un garçon, jusqu'à présent aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. Il descend une poignée de criminels notoires ainsi que deux policiers. Non, c'est pas clair, John. Au contraire, tout me paraît assez simple. La seule chose qui soit claire, c'est que ce gars doit posséder quelque chose de suffisamment important pour que des personnes soient prêtes à tuer. Peu importe qui sont ces gens, les collègues en bas ne vont pas en rester là. Ben ils n'ont sûrement pas l'intention de rester sans réagir, surtout après la mort de leur pote allongé de sang-froid dans l'impasse. Il y en a quelques-uns qui n'attendent qu'une seule chose, ramener ce Chase, mais les pieds devant. Les pieds devant. Ouais, il faut les comprendre. C'est justement ce qui m'inquiète. Non, tu vois... Je trouve que brusquement trop de gens ont intérêt à le voir disparaître. Tu ne trouves pas ça curieux, John? Est-ce curieux? On va l'apprendre dans le visionnement. My God. Hey, c'est pas bon. Je sais pas si t'as remarqué à quel point le film arrête pas de s'expliquer lui-même. Oui. Ils sont même pas safe. Non? Puis c'est les seules séquences que ça parle en plus. J'insiste, il y a pas beaucoup d'extraits aujourd'hui. Ça ne parle pas beaucoup. Mm-hmm. Ça explose-tu? Pas beaucoup, non. Il est occupé. Comme là, il s'en va dans la séquence dans le parc. Ça va marcher dans le parc avec les amis. Et puis là, ben, il y a des amis qui arrivent avec un espèce de carrosse à bébé. Mais c'est pas un vrai bébé qu'il y a dedans. Non. C'est des ninjas. On verra tantôt. Pour l'instant, on s'en va au pays des hipsters. Hein? Oui, oui, parce que moi et Tommy, hier, on a passé une journée de rêve ensemble. Tommy, qui était aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. Alors oui, je lui ai montré plusieurs styles hier, dont les punks et les hipsters. Ben, les hipsters, j'en ai déjà parlé il y a 2-3 semaines. Ça, c'est les gens qui pensent que tout est cool jusqu'à temps que ça soit... rendu cool pour tout le monde, mais ben là, il change. Mais j'ai montré à quoi ça ressemblait. Un hipster s'habille à peu près de n'importe quoi. Puis c'est très dur à voir dans la rue, tu sais. Faut que tu les pointes. Tu sais. En fait, faut qu'il y ait une moustache avec une calotte genre lette. Puis, tu sais, une espèce de sweatshirt Adidas. Puis il peut même mettre des pantalons qui se déboutonnent ses côtés, mais pas tout le temps, tu sais. Ça dépend s'il y en a beaucoup qui en a dedans la même journée. Ben, moi, j'ai trouvé. Celui qu'on a vu hier, on a croisé coin Rachel et puis Saint-Laurent à peu près. C'était un Super Greg wannabe, tu sais. Le Super Greg là, qui faisait du « Yeah, Super Greg! » Puis là, il était habillé en rouge Adidas, puis il avait une petite moustache fake. Ouais. Puis, ça ressemble aussi au gars de salade de fruits. Un hipster. C'est dur à déceler. Il faut vraiment voir la moustache puis les souliers crottés. Vous remarquerez, là, les hipsters, ils ont souvent des souliers crottés. Ah, tu vois. Puis ils mangent à la place qu'un DJ qui spin en mangeant. Sur Saint-Laurent, là. Ou à l'avenue. Ou à l'avenue, ouais, ouais. C'est une place de hipster. Les deux salles de spectacle préférées des hipsters, c'est la Casa de la Rosa puis la Sala del Popolo. C'est les deux salles associées, puis il y a toutes les shows d'Hipster. Là. Tu peux aller voir le dernier show de Shit Machin, Shit Off the Head ou des Anne Gedezegaba. les George Leningrad, tu dis. Bug Block 7, puis les George Howard Chuck. Là. Les George Howard Chuck. Tous ces excellents groupes, dont Jamalub. Mais Jamalub, c'est plus un groupe d'Hipster parce que malheureusement. Ils ont gagné des prix. Ils ont gagné des prix. Et voilà, ils ne peuvent plus être considérés ou aimés par des hipster. Non. C'est compliqué, mais en même temps, c'est ça. Hier, j'ai réussi à le mettre en mots de façon pas pire. Là, c'est comme, mettons, du moment qu'ils trouvent une particularité à laquelle ils peuvent associer leur personnalité, ça va bien. Mais quand la particularité devient une généralité, c'est ça, ben là, ils ont l'impression de se faire voler leur personnalité. Fait que là, c'est pas correct, ça devient très mauvais. Oui. Donc souvent, ils réagissent plus violemment à ça. Que, mettons, comme moi, quand que R.E.M., qui était populaire et bon, ont décidé de faire de se prostituer à la guitare, puis là, j'étais viré en Christ. J'étais pas hipster, parce que, il était bon puis populaire avant, puis là, je les haïssais parce que là, ils ont fait une patente mainstream encore plus facile, mettons. T'sais. Ouais, peut-être que c'est pas pertinent, cette explication. Hey, là, on va t'écouter une autre toune. On va aller faire ça. Je pense qu'on est rendu à ce moment. Ah non, on pose des questions à Benoît. Oui, non, oui, parce que Benoît apprend. Benoît s'est déplacé pour nous autres. T'es déjà ici. Moi, j'avais mon émission. Non, t'es venu pour ça. Oui, t'es venu de loin. Hey, Benoît, on va commencer par ça parce que finalement, peut-être. Joues-tu à Magic? Non, je joue pas à Magic. J'ai essayé de jouer à Magic dans les années 90. Et j'ai pas. En fait, je comprenais pas assez l'anglais pour comprendre le jeu. Ah, et je me suis écœuré. Mais j'avais un gros set de cartes Magic. T'as essayé. Là. J'ai essayé au moins. Mais j'ai fait l'erreur de mélanger trop de couleurs et de pas de m'arrêter sur le vert ou le rouge. Ah ouais, trouver ton style, ta personnalité. Une erreur de débutant. Hey, mais sinon, toi quand même, t'es quelqu'un qui est un petit peu le douteux tranquillement. Ouais, ça sent au visionnement souvent. Puis t'es tranquillement pas vite. Hey, c'est vrai, j'ai même fait une petite présentation. Là. Co-animateur des Mystérieux Étonnants, Benoît est devenu un allié précieux à la quête avec un Q majuscule. Pour ajouter en perspective, on va lui poser des questions. Qu'est-ce que le douteux pour toi, Benoît? OK. Le douteux, comment on pourrait le définir d'une façon plus globale? Par rapport à tes YouTube ou par rapport à ce que toi, tu présentes? Ce que toi, tu veux, mon gars. Je te pose la question à toi. Là, mais c'est le douteux pour moi, en tout cas, de ce qui ressort, de ce qu'on voit, mettons, si tu vas dans des événements comme tes projections le lundi, si tu vas à Total Crap, si tu regardes ce qui est sur YouTube, c'est quelque chose qui se veut sérieux. Comme on s'entend que les gens qui ont fait les films que tu présentes croyaient vraiment qu'ils faisaient une œuvre, mais qui est totalement dans le champ, mais ils le voient pas, mais qui est clairement évident pour nous autres. T'sais. Tu peux même pas l'éviter. Tu le regardes. Comment ça ils ont passé à côté de ça? Il y a eu quand même de l'argent qui a été investi là-dedans. Pour moi, c'est un peu comme tu sais les bidules que tu peux retrouver à mettons magasin de pièces, comme le crayon qui fait de la couleur, des trucs comme ça, avec une lumière dedans. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec ça avec un projet, avec un bureaucrate, ou quelqu'un qui avait de l'argent, puis il a dit moi j'ai le goût de faire un crayon quand tu pèses dessus des lumières, de la musique passe. Puis le gars il a dit je te finance. Ouais, tu vois, ça va. C'est la même logique qui s'applique pour les finances. Ouais. C'est vrai, hein, des fois, d'appliquer et de réaliser que, mettons, il y a eu un oui d'un producteur, puis tout le long de la chaîne de production, le réalisateur, le preneur de son, le gars de tous les acteurs, personne n'a dit. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un peu comme le phénomène, comme le vieux conte pour enfants. Je me souviens jamais du titre où on disait, OK, j'ai fait un beau costume au roi, mais c'était seulement les intelligents qui voulaient le voir. Le roi se promenait dans la cour et tout le monde était oui, c'est très beau, mais pour de vrai, il était tout nu. Ouais. C'est un peu peut-être comme ça le phénomène qui se passe dans tes films de merde. Oui, la toge du roi, oui. C'est excellent. Ouais. Et puis là, c'est bizarre parce que je voulais comme aller vers la toune. Le CD, puis non, c'est parce que les deux tunes, c'est comme les numéros 7. Fait que là, je savais plus c'était lequel le tien. Et là là. Et voilà, on va aller écouter La Bolduc. La Bolduc qui est choisie par Israël. Très insupportable qui dit je m'en vais au marché. Et puis bien sûr, on va continuer à poser des questions parce que ça, c'est une réponse très articulée. Bravo, Benoît. Merci. Oui, je pense qu'on va la découper pour le montage. Ouais, c'est ça. Bon, ben, fait qu'on s'en va écouter Je m'en vais au marché de La Bolduc. C'est qu'on est varié. On vient sur ça. Très insupportable. Voilà, si vous êtes averti. Je m'en vais au marché le lundi, c'est pour acheter des têtes. Des têtes, des grosses, des petites têtes, des sortes de têtes, encore des têtes, se manque des têtes, tiens des têtes, des jours, des têtes, pas long des têtes. J'aimerais ma mie, j'aimerais des jours, et puis de l'or. Je m'en vais au marché le mardi, c'est pour acheter des coups. Des coups, des recoups, des petits coups, toutes sortes de coups, avant des coups, seulement des coups, y'a des coups, toujours des coups, parlant des coups, des têtes, des grosses, des petites têtes, toutes sortes de têtes, encore des têtes, seulement des têtes, y'a des têtes, toujours des têtes, parlant des têtes, j'aimerais ma mie, j'aimerais des jours, et puis t'as l'olala. J'aime ma bateau, ma chaîne, mais que dis, c'est pour acheter des bras. Des bras, des gros bras, des petits bras, des sortes de bras, encore des bras, c'est manque des bras, y'a des bras, toujours des bras, parlant des bras, des coups, des recoups, des petits coups, toutes sortes de coups, encore des coups, seulement des coups, y'a des coups, toujours des coups, parlant des coups, des têtes, des grosses têtes, des petites têtes, toutes sortes de têtes, encore des têtes, seulement des têtes, y'a des têtes, toujours des têtes, parlant des têtes, j'aimerais ma mie, j'aimerais des jours, et puis t'as l'olala. J'aime ma bateau, ma chaîne, le jeudi, c'est pour acheter des genoux. Des genoux, des gros genoux, des petits genoux, toutes sortes de genoux, encore des genoux, seulement des genoux, y'a des genoux, toujours des genoux, parlant des genoux, des bras, des gros bras, des petits bras, toutes sortes de bras, encore des bras, seulement des bras, y'a des bras, toujours des bras, parlant des bras, des coups, des recoups, des petits coups, toutes sortes de coups, encore des coups, seulement des coups, y'a des coups, toujours des coups, parlant des coups, des têtes, des grosses têtes, des petites têtes, toutes sortes de têtes, encore des têtes, seulement des têtes, y'a des têtes, toujours des têtes, parlant des têtes, j'aimerais ma mie, j'aimerais des jours, et puis des jours, oh, oh, oh. J'aime ma bateau marché le vendredi, c'est pour acheter des jambes. Des jambes, des gros jambes, des petites jambes, toutes sortes de jambes, encore des jambes, se manque des jambes. On lâche pas, il nous reste encore une grosse minute à faire. Des genoux, toutes sortes de genoux, encore des genoux, se manque des genoux, y'a des genoux, toujours des genoux, parlons des genoux. Des bras, des gros bras, des petits bras, toutes sortes de bras, encore des bras, se manque des bras, y'a des bras, toujours des bras, parlons des bras. Des coups, des recoups, des petits coups, toutes sortes de coups, encore des coups, se manque des coups, y'a des coups, toujours des coups, parlons des coups. Des têtes, des grosses, des petites têtes, toutes sortes de têtes, encore des têtes, se manque des têtes, y'a des têtes, toujours des têtes, parlons des têtes. Je mérite ma mie, et puis je mérite des jours, et puis t'as l'eau, l'eau, l'eau. Je m'en vais au marché le samedi, c'est pour acheter des pieds. Des pieds, des gros pieds, des petits pieds, toutes sortes de pieds, encore des pieds, se manque des pieds, y'a des pieds, toujours des pieds, parlons des pieds. Des jambes, des gros jambes, des petites jambes, toutes sortes de jambes, encore des jambes, se manque des jambes. On va m'appeler le temps un petit peu ici pendant que la Bolduc termine son affaire. Robin des Bois en anglais de 1952 avec Alan Livingstone et Billy May. On va écouter aujourd'hui les deux premiers volets, peut-être le premier, ça va dépendre, de cette épopée au rebondissement rendu inexistant par l'over-utilisation de la même histoire. On va découvrir ensemble si ça a bien vieilli, parce que dans le fond, je ne l'ai jamais, jamais écouté. Ça fait que c'est une primeur ici à 70%, une primeur qui date de 1952. Merci, la Bolduc. Ah, merci. Merci, ça soit fini. Robin des Bois, on vous revient juste après. I'll sing a song, a rollicky song, as I roll along my way. With a hey derry die and a derry die do and a riddle de diddle de day. Y a-tu dit diarrhée dans tout? I'm going to tell you a wonderful story. The story of Robin Hood. Diarrhée d'eau de l'aïdou. If you look on page one in your picture book, you'll see a picture of him with his bow and arrow. He lived many years ago when everybody used bows and arrows to hunt and shoot in the forest. And Robin Hood could shoot straighter than anyone in the whole country. If you'd like to hear more about him, just turn the page whenever I strum on my lute like this. peux pas te tromper. Sherwood Forest, where Robin Hood lives with his men. They would like to go back to their homes in the city, but they cannot. Their good king has gone off to war, and while he is away, their land is ruled by a bad man called the Sheriff of Nottingham. So they hide out in the forest where the sheriff cannot find them. Robin Hood taught his men how to keep from being caught. One day he said to them... On tourne la page. Men, we must have a way of warning each other if the sheriff comes into the forest. So I have made whistling arrows. Each of you will carry one. And if ever the bad sheriff is seen coming near, shoot the arrow into the air and toward our camp. Pas fou. And we shall know what it means. Toward our camp. I'll shoot one of these arrows. And maybe you shall see. Kill Roger. C'est pas fou. Hein? On va avoir du lutte, Robin's les gars. Group of men was small, but as days went by, many more ran away from the city where the cruel sheriff ruled and joined Robin's group. Robin wanted only strong and able men with him in the forest, and before he allowed anyone to join him, he often tested their courage. Arrête, c'est mon but One préféré. Day, Robin was just starting to cross a narrow bridge in the forest. Ah, je sais pas when si on a stranger va le faire, began hein? to cross from the other non, side, there was room for only one at a ouais, time. On va écouter le premier and Robin épisode, called puis, to the stranger. On va se stand aside. Dire, Why should I stand aside? To let the better man pass. Then you stand aside. Ben, depuis if you des think personnages, you're the better man, ouais, peut-être. Then prove it with your staff. En combat. Oh, je vais le muncher. With that, they began fighting with their sticks on the narrow bridge. Robin managed to crack the big man soundly in the ribs, and he jumped back. Oh. But then the stranger struck Robin across the head, and Robin fell backward off the bridge and into the water below. Oh. On aurait dû un étron. Ouais, ça sonnait vraiment... That was a good fight, lad. Here, let me help you up to the shore. Ah ben, dans cette version-là, c'est well, Petit Jean qui gagne. What is your name? John Little. Kevin well Tassel then, I shall call you Little John. And with that, Robin Hood and Little John became very good friends. Il venait de se rencontrer, il a dit, I shall call you Little John. C'est pas ça, mon nom. Et voilà, on a fini. Wow. C'était assez merveilleux quand même. Hein? Mais ça, c'est tiré de quoi exactement? En 1952, c'est Alan Livingstone et Billy May qui ont fait un livre dont vous devez tourner la page avec la fée clochette là, de Disney. Là. C'est okay. Walt Disney. Ouais, ouais, je me rappelle, j'en avais un d'ailleurs qui racontait les bonnes manières. Puis quand il applaudissait, il fallait que je tourne la page. Moi, tourne la page. Moi, j'avais Martine et la vaseline. C'était assez spécial. Moi, j'avais spécial. Les Noël des Chickmans. J'avais vraiment pas du stock de Disney. C'était assez spécial. Il était resté loin de la souris démoniaque. Ouais, c'est ça. Hey, oui. Ouais, je vais parler de quelque chose en particulier juste avant que tu parles, tu poses une question à notre ami, notre ami Benoît, bien sûr, qu'on va continuer à remitrailler de questions indécentes comme quelle est sa couleur préférée. Donc, on va commencer avec un petit extrait bien particulier qui date tranquillement, ça fait presque 20 ans que j'ai ça, OK? Puis je l'ai enregistré jadis quand je me suis acheté un petit Walkman, puis là, j'ai tapé mes petits frères. Fait qu'on écoute ça. C'est moi, Julien. On a des C'est pas fini, là. Et voilà. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est que ce que lui que vous avez entendu, c'est Julien qui avait 8 ans dans ce temps-là. Ouais. Julien, qui en plus d'être une des personnes les plus sympathiques et éduquées que je connais, ben, est mon petit frère. Puis en plus, ben, c'est sa fête vendredi. Fait que les amis de 70% sont invités à m'envoyer un mail au kertwit@commercial.com, kertwit.com, pour venir, bien sûr, vivre des invitations, pour avoir une invitation officielle au Giga Party, pour célébrer les quelques jours qui nous restent avant l'apparition des encore plus superlatives pubs de Noël que tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, ça va être non seulement sa fête, mais le dernier jour sans pub de Noël avant longtemps. Oui. Donc là, on va retourner poser des questions à notre ami Benoît. Allez-y. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence pas mal entre Total Crap YouTube et qu'est-ce qu'on fait à 70%? Y a-t-il des différences? Oui, ouais, on avait parlé un petit peu tantôt. Oui. On peut penser, c'est assez... c'est similaire. C'est similaire. On peut penser que c'est la même chose. Mais moi, pour être un fan de Total Crap ou ce que vous faites ici, les projections le lundi ou YouTube, il y a des différences. Je pense que Total Crap fait quelque chose de plus... Il y a plus de stock québécois, étrangement, dans leurs projections. Alors, quelqu'un qui a un accent étrange des années 80, mais un peu joual en même temps, va se retrouver plus à Total Crap. ici, plus du stock des années 80. On va vraiment dans les stéréotypes des années 80. Oh. Tandis que Total Crap, on verrait peut-être un gars qui se promène. Il y a eu une intro de leur dernier show. C'était du monde tout nu qui faisait une chorégraphie. Okay, ouais. Ouais, c'est drôle, il est tout nu, mais toi, tu vois plus d'insubtilité. Quand tu vas voir l'hélicoptère qui s'en vient dans tes films, on le sait qu'elle va exploser, mais comme en trois étapes, c'est une boule de feu qui va grossir. Alors, c'est ce genre d'humour-là qui est différent, plus subtil étrangement. YouTube, tu regardes ça chez vous tout seul. Total Crap, gang, mais encore une fois, stock québécois. Ici, pour les projections, c'est vraiment tu te défoules. Non, tu le vois, il va arriver. C'est le gars avec les cheveux longs qui a l'air de Fabio. Tu sais qu'il va coucher avec la rousse. Puis que soit elle va exploser ou le char dans lequel il va exploser. C'est plus là-dedans. Il y a des différences dans ce style-là. Là, ah, ben, après moi. Ben, ce que j'aime beaucoup, moi, de nos projections, là, parce que je veux pas me vanter. Mais c'est très gratuit et qu'on peut vraiment pitcher des choses à l'écran. Pis, ouais. Ça, c'est une satisfaction qu'on n'a pas toujours. C'est un défoulement, en fait. Oui, tu vas pas sacrer un coup de poing dans ton écran d'ordinateur. Des fois, c'est quasiment plus drôle quand quelqu'un pogne Mario Bros dans un chenol que le fait de le regarder. Ouais. C'est vrai que ça fait ou quand j'attends des posters dans la face d'une pobette. Hey, toi et Benoît, t'as déjà entendu l'expression que le grand cric me croque. Non. Ah, je pensais que t'étais pour me dire c'est où le grand cric parce que je pensais que c'était un personnage en fait. Ouais, sûrement. Sinon, t'as-tu un commentaire sur l'histoire sans fin? Ben s'il y a l'histoire sans fin, ça aurait dû s'arrêter ou non, ça marche pas. Ben, en tout cas, moi, je me souviens du premier film qui était bon. Oui. Qui est une adaptation en fait d'une série de livres, si je me souviens bien. Ah ouais, moi, c'était des livres, puis il semblerait que c'était une bonne série. Mais qui ont juste scrappé le 2, j'ai garde. C'est comme Racine Carrée à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que fin des années 80, 10, il y a eu comme un 4 ou un 5. Ils sont allés. Il y a eu un 4, mais il y a eu un autre après. Uh-huh. Qui je me souviens bien, que t'as fait une semaine au cinéma près de chez nous, ça arrive sud à l'époque, au Super C Cinéma. Oh. Et c'était. Il n'y a pas personne qui est allé voir ça. Ben et non, je sais pas qui est le con qui a pensé à financer le cinquième film de l'Histoire sans fin. Parce que c'était un bastien différent à chaque fois. C'est un bassin différent à chaque fois et même la facture de l'histoire est différente à chaque fois. Ça pue le téléfilm de plus en plus fort. Ah oui, c'est ça, c'est du téléfilm porté à grand écran. Hey, sinon, peut-être... Comment est-ce que tu envisages la transition des visionnements vers le grimoire? Parce que maintenant, on va aller écouter des films au grimoire. Hein? Ben oui. Ben, quelques mots pour ça. C'est écouter de la merde avec de la bière. tu vas mieux que ça, là, tu sais. Ah oui. Et bon, on a bien l'endroit ici, puis on a un certain attachement, mais en même temps, là, il y a des nouvelles émissions qui rentraient. On pouvait plus rien garrocher sur l'écran. Espérons qu'on va pouvoir le faire au grimoire. On va faire mais ce qu'il faut. Combinaison merde et bière, pour moi, c'est parfait. Là. Surtout c'est, qu'on c'est va. C'est une symbiose. La place commence à être remplie ici des fois. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est que ça commence à grossir. Voilà. Donc, puis sinon, j'aimerais ça que tu me parles peut-être d'un moment marquant dans ton évolution vers ta façon d'analyser, des visionnements ou, je sais pas, un film que t'as vu jadis quand t'avais 14 ans, que c'est un film d'action avec du monde en bédaine, puis tu te disais, voyons. Ou bien, tu t'es loué un film pour le plaisir dernièrement. Écoute, je vais faire référence plus à ce que nous autres, on blasse souvent à l'émission des Mystérieux Étonnants. Ben, vas-y. C'est une télésérie que vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes un peu dans le monde des comics comme nous autres, puis geek. Ça s'appelle Smallville. Ah oui. Qui est, en fait, l'histoire de Clark Kent, le Superman en devenir, quand il était jeune, dans la ville, dans sa ville natale de Smallville. Et la prémisse est super bonne. Tu prends un personnage iconique, tu le mets dans ce qui va le rendre. Ce qui c'est son évolution. Sauf que la série est, et là je mets pas juste la faute sur Jeff Loeb qui est quelqu'un qui écrit dans les comics mais qui écrit aussi pour des émissions, mais c'est quand même un des gars qui est en charge de garder cette émission là en place. Les auteurs dans cette émission là se foutent carrément de l'auditeur, et c'est qu'à un moment donné c'est donner l'image, et c'est vraiment ça. Vous écoutez une couple d'épisodes et vous allez le comprendre, c'est du Dawson's Creek avec des pouvoirs. C'est l'espèce de histoire mélodramatique d'amour de Clark qui est obsédé par Lana, qui est sa première son premier crush, son premier amour à Smallville. Mais ce qui est intéressant dans Smallville, en plus des dialogues qui sont infiniment pourris, c'est le fait qu'on va comment je pourrais dire, détruire totalement la diégèse. À un moment donné, tu vas faire une histoire, puis le but d'une histoire, que ce soit un film, un script, n'importe quoi, c'est d'amener dans une espèce de suite logique des choses. Tu vas construire une histoire, puis là, ça va amener telle réaction, telle réaction, telle réaction. On dirait qu'à un moment donné, les auteurs de Smallville, dont Jeff Loeb, vont faire comme, oh shit, je sais pas comment arriver ça là de même. Alors, je veux juste comme, oh, le personnage, il sait que c'est là qu'il doit aller, mais on n'explique pas pourquoi. Il y a des situations où on sait pas, tu sais, l'aventure de Smallville, les gens ne savent pas qui est Clark, qui a des pouvoirs et tout. Très douteux. Très douteux. Il y a ouais. des. Il va sauver des personnages, ses amis. Il va avoir comme un gars qui va avoir des super pouvoirs. Par accident, il va le tuer ou whatever. Mais il n'y a pas personne qui se pose des questions par après. C'est comme réglé. Il n'y a pas rien qui. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir un épisode pour les prochaines semaines. Peut-être. Ouais. Ben, je peux vous donner. J'ai pas des. Ben, moi, ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on maintenant donne un extrait Smallville de la semaine. Ou est-ce qu'on prend un texte qui est hors contexte et on le fait jouer et les phrases, je pense que je pourrais peut-être trouver un extrait tantôt si ça te tente, là on peut le faire jouer. Ça en dit beaucoup sur la série. Bon ben oui. Voilà, d'abord là merci beaucoup. Moi j'ai un autre petit volet de questions tantôt. Ouais. Là on va aller écouter Paul McCartney. Okay. Une belle chanson, puis on va revenir après pour. C'est quoi sa chanson? Oh, tu vas la reconnaître, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendue quand je l'ai déterré tantôt avec Julian chez nous. On vient à 70% bien sûr. De retour à 70% et on parlait justement de Smallville et j'ai retrouvé l'extrait qu'on a fait jouer cette semaine tantôt à notre émission de Smallville. Et ce que c'est l'extrait Smallville de la semaine. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait jouer une phrase qui a été dit dans l'épisode d'une heure que j'ai de la semaine passée. Alors voilà. Ça c'est Clark qui parle à son ami Chloe. Ça dit ce que ça dit. On écoute ça ici, ça sera pas long. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, l'extrait Smallville de la semaine. Look, I understand wanting to have a normal life, I do. But brain surgery is not the way to do it. C'était l'extrait Smallville de la semaine. C'est le genre de réplique qu'on peut avoir dans ce moment ville très infect. Parce que Clark dit, c'est, je comprends ton désir d'avoir une vie normale, mais l'opération du cerveau n'est pas la voie à suivre. Hein? Voie et ce genre de truc-là se retrouve dans toute la série, c'est de mur à mur. Puis lui, c'est ça. C'est ouais. Fait que là, on va écouter un bout dans Dead Chase. Vous allez voir, le héros Stephen Chase s'en va dans un bar pour relaxer après avoir tué quelques personnes. Il va rencontrer des vies humaines. Oui, oui, mais ça, on s'en fout. Hein. C'est des moustaches. Eh bien, messieurs, il semblerait que notre outsider, M. Chase, s'équipe avec une femme. Oui, c'est ça. J'ai nommé l'extrait les méchants s'entre-masturbent. Ah, OK. Ils auraient réussi à éliminer l'équipe numéro 3. Burk. Écoute le battement de cœur. D'une confrontation à Fairmont Park. On les a vus se diriger vers le nord, en direction du centre-ville. Cela demande réflexion. Jusqu'à ce matin, personne dans cette ville n'avait entendu parler de ce Stephen Chase. À présent, jusqu'à ce depuis matin, quelques heures, non, il a tué 720 personnes. Il est pisté par de nombreux tueurs. Et ce n'est pas tout. Il est recherché par la police pour 7 ou 8 meurtres. 7 ou 8. Peut-être 12. Imaginez une seconde ce qu'on pourrait obtenir de certains leaders politiques désapprouvants ou condamnants. Bon, ben, gars, moi, pendant que je trouve le prochain extrait, Israël, tu vas me parler d'Ikari Warrior un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a joué à Ikari Warrior. Ikari Warrior, cette aventure dans le Vietnam au NES. Après un crash d'avion, nos deux héros qui s'appellent. Ils s'appellent Clark Steele et Ralph Jones. Clark Steele étant le bandeau rouge non, de la c'est le contraire. Okay. Steele, c'est bleu de l'acier. Puis Jones, c'est le rouge du sang. Tu peux voir le rouge du sang et le bleu de la liberté. Ouais. Dans une mission au Vietnam effrénée où on tue des millions de vies humaines. Hey, c'est malade, je veux dire. Hey. Tu te promènes, t'avances, il y a de la viande qui arrive. Là, tu sais, game over, tu fais ABBA. Puis là, ben, tu reviens revient, pour genre. Une dernière ouais. mission. C'est un jeu dans la lignée des contrats, genre. Oui, puis non, c'est plus vu d'au-dessus. Ah, fait OK. Que, c'est un peu le plan de Zelda, mais pas trop. Fait que là, t'es comme au Vietnam, dans les rizières, puis il y a des commandos bleus qui se... Des commandos suicides qui n'ont aucun respect pour la vie. Qui se cachent en dessous. Alors, je vous suggère vivement, amateur du douteux, de jouer à Ikari Warrior avec vos amis et de faire des voix de mission. Parce que moi puis Tommy, hein, on s'est fait du fun comme qu'on en a... pas trop souvent eu, à part peut-être quand on était à la ronde la première fois, mais même à ça, c'est pas d'égal. Non, c'est pas la même affaire. Non, c'est vraiment plate, la ronde la première fois. Alors, fait que là, vous pouvez dire des choses comme « Ah, j'ai été touché à la jambe. Diabiki que je rentrais pas pour stupper. Continuez sans moi. La mission avant tout. » Et on s'est rendu au troisième boss, ben au troisième monde, le premier monde où il y avait un boss. Puis c'était un gars derrière un bureau. Puis là, on l'a tué. Puis là, on savait plus comment sortir de la pièce, fait qu'on est mort. On était voir ce Game Fact, puis faut pitcher une grenade à une place spéciale, puis ça rouvre un escalier pour aller au niveau 4. Ça, ouais, c'est super. Hein. Fait que bientôt nous recommencerons la mission, Tommy. Pour aller délivrer les commandos au Vietnam, whatever. Mais non, c'est pour nous autres, c'est pour la liberté. Pour la liberté, pour notre pays. Fait que le truc, c'est ABBA, les amis. Quand vous êtes game over, ABBA, pas trop vite. Faut pas faire. Faut faire ABBA sans peser ses flèches en même temps, puis vous revenez. Vous avez joué sur la console originale de Nintendo? Ouais, ouais, avec la petite manette. Là, c'est léger. Ouais, c'est très léger. Vintage hein? à fond. Fait que là, on va aller voir Stephen Chase dans le bar. Va rencontrer Steele, le gros barbu méchant qui se téléporte. Ambiance de bar à rabais. Moi, quand je sors dans un bar... Qu'est-ce que tu veux prendre, chérie? Une bière. Il veut une Très bière. Très bien, une bière. Je l'apporterai deux. Vous essayerez ça d'aller dans un bar puis de dire « Je veux une bière à la fête. » Comment allez-vous, monsieur? J'essaierai ça. Elle va dire « Laquelle? » Laquelle, c'est sûr qu'elle va dire ça. Vous voulez me tuer? Vous ne le ferez pas car vous êtes effrayés. Et les gens qui ont peur ne font pas de bons chasseurs. Mais par contre, ils font de très jolies cibles. Sacrement. C'est la philosophie de Steele. Ouais. Gardez la monnaie. À votre santé, monsieur Chase. Que me voulez-vous? Et pourquoi essaie-t-on de me tuer? Parce que vous avez quelque chose que les autres joueurs tiennent du tout à voir. Tuer des gens d'essayer de me tuer. Et vous appelez ça jouer, vous êtes complètement malade. C'est pourtant ainsi, Monsieur Chase, c'est un jeu. Je dois admettre que pour un amateur, vous avez fait fort jusqu'à présent. Mmh. Voulez-vous que je vous dise? Vous m'impressionnez. Quoi? Pourquoi moi? Parce que vous avez le revolver. Et que vous êtes le meilleur. Tenez, je vous le rends. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, Monsieur Chase. Un jour, peut-être, ce revolver se retournera contre vous. Ça... Mais en ce moment, c'est lui qui vous protège. C'est comme le revolver vous pouvez magique. Le constater. Vous avez le choix. Je vais vous tuer. J'attendrai cet instant avec impatience, Monsieur Chase. Soyez-en certain. C'est ça, épais. Bon, ok. C'est ceux qui ont écrit Smallville qui ont écrit ça. Ouais, peut-être. Hey, sinon, toi, t'es-tu plus Marvel ou DC? J'étais plus DC à l'origine, mais avec ce qui se passe en ce moment, je suis beaucoup plus Marvel. Ah ouais? Marvel, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont aller briser, j'ai l'impression, les codes du comics. Ce que DC est plus comme, pour moi, traditionnel. Ouais, c'est comme eux autres qui les ont inventés, les codes. Ben, je dis pas qu'il y en a un qui l'ont plus inventé que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que DC, leurs héros font pas mal la même chose, tandis que tu vas aller voir dans Marvel, ils vont oser, mettons, révéler l'identité de Peter Parker étant Spider-Man et des choses comme ça. Ouais, puis Image, eux autres, c'est différent, là. C'est, il faudrait plus que tu demandes ça à Jean-Michel, là, des Mystérieux Étonnants. Lui, il va te faire une analyse plus complète que ça. Image, j'ai pas trop écouté ça. J'ai pas trop lu ça. Ah. Ouais, dit-il. Sinon, est-ce que t'as un excellent comic à nous suggérer? En ce moment, il y a une série que j'aime beaucoup, puis qui vient de faire une espèce de relaunch avec les événements de Civil War. Ça s'appelle New Avengers, qui est vraiment intéressant, qui peut être lu en même temps que Mighty Avengers. Alors, il y a une équipe de héros qui n'ont pas été enregistrés avec les événements de Civil War. Il faut que maintenant les héros soient registered. Ouais. Ils sont pas. Il y a une équipe qui ne sont pas, il y a une équipe qui l'est. Okay. Et c'est écrit les deux par Brian Michael Bendis, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. les deux séries se croisent, se complètent. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Ah, ben ça, c'est cool. Ouais. Quand c'est compensatinationalisateur. J'ai une nouvelle! Oh, vas-y! Le fameux concours qui traîne depuis plusieurs semaines, deux en fait, remporté par une charmante Marie-Noël de Jonquière. Et la réponse à la question, combien Mario a eu de chicks? C'était 3. Ah oui, il y en a eu 3 pour vrai? Ben, il y en a 3 ou 4, mais c'est 3 pour vrai. Okay. En fait, il y a Princesse Toadstool. Non, il y a Pauline au début. Ouais. Ça, c'est la chick dans Donkey Kong, ouais, qu'on voit ouais. plus après. Ah ouais, c'est vrai. Après ça, c'est Princesse Toadstool. Mm-hmm. Après ça, c'est Princesse Daisy à Super Mario Land, qu'on voit juste une fois, puis qui réapparaît puis, à Super Smash Bros. Melee, puis au tennis. Ouais. Puis après ça, c'est Princesse Peach, mais Princesse Peach et Princesse Toadstool, c'est la même. Ah, elle a juste deux noms. Fait qu'elle a juste deux noms, c'est comme Peach Toadstool, genre. Peut-être. C'est le nom composé. Et chose de premier, chose de dû, Marie-Noël, je t'amène déjeuner quand qu'on va être à même place en même temps. Grosse victoire, wouh! Oui. Hey, sinon, moi, ce week-end, là, il y avait le festival du Nouveau Cinéma Alexandrice et puis Jean oui. Dead Wolf Leloup a présenté son film au festival du Nouveau Cinéma. Je sais de sources sûres, Manu et KTN, qu'il est allé répondre aux questions des gens à propos du scénario de son film, tout en émettant cette phrase « C'est encore brouillon, j'aurai terminé dans 5 à 6 mois. » 1. Si tu as tué ton personnage, il est mort. Est-ce que nous le rappeler tout le temps fait de Jean Dead Wolf Leloup un zombie? Ou est-ce que Jean Leloup est encore là? 2. La justification, aller répondre aux questions du monde après le film? Non, merci. Non, je pense que c'est comme... Tu sais, laisse le monde digérer le lendemain, tu peux. Mais juste après, je sais pas, c'est comme... 3. Pourquoi présenter un film non fini dans un festival? En quoi un zombie créateur peut-il se payer cet extrait-là? Et puis 4, Bonzaillon, c'est plate en superlatif, ça aussi. Voilà, ça a presque j'ai sorti ma bulle. Là, on va retourner écouter du Jet Chase pendant qu'on a encore du temps. Cette fois-là, ils vont parler des vraies affaires dans la ruelle contre un autre des participants au jeu de la mort. Puis là, ben, Stephen Chase va en apprendre un peu sur sa carrière de gars qui tue tout, qui tout le monde. Tue du monde, ouais. C'est à mon tour de jouer, camarade. Pourquoi vous essayez de me tuer? Qu'est-ce qu'il a de si important, ce flingue? Quoi? Tu ne le sais pas vraiment, mais tu vas me le dire? Je ne peux rien dire. C'est contre les règles. Pour la dernière non. fois... Non! Attends, ok, ça va comme ça, arrête. Oh. Mmh. Tout ça, c'est pour le fric. C'est pour le fric. Quel fric? Le flingue. Celui qui possède le flingue aura beaucoup d'argent. Une sorte de récompense. Et d'où vient ce fric, hein? Qui paie? J'en sais rien. Qui paie? J'en sais rien. D'ailleurs, tout le monde ignore qui est derrière tout ça. L'arme est sûrement un indice. Écoute. Seul ce flingue peut tout résoudre. Seul ce flingue. Hé, hey, là-bas! Police! Et voilà, déjà il est dérangé. On va aller écouter ici un petit extrait là, pour revenir avant le petit mot de la fin. Quand il se met à faire froid, qu'il pleut à si haut et que les terrains sont détrempés, quand les sentiers bassus ne sont accessibles qu'aux plus intrépides et que les pistes en sous-bois ne permettent l'accès qu'aux 4x4, c'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester en dedans. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester à l'abri. Il y en a qui préfèrent rester bien au chaud. Il y en a d'autres, des hommes, des vrais, qui sentent la pelle et qui boivent la bière. Pas d'oiseaux. C'est une vraie annonce, ça? Oui, ben oui, c'est une très, très vraie annonce. Tabarnak! Non, c'est pas une vraie. Non, mais je sais pas, ça aurait pu, là. Des fois, t'es surpris, mais... J'avoue, ça aurait pu. Ça aurait pu. Là, c'est encore plus drôle si ça aurait pu, me semble. Hey, Benoît, merci. Ouais. Ouais, de rien. Merci de m'avoir invité. Là. On rappelle bien sûr que c'est beaucoup grâce à toi que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, au Grimoire, les visionnements Bière et Marde. Oui, on va faire des belles affiches pour tapisser toute l'UQAM. Et voilà, c'est la promesse là de bien sûr Israël Trudel-Denis. Qui tient vraiment ses promesses. Sinon, ben merci Israël Trudel-Denis, on a fait une bonne émission. Oh, merci à Skeleton Warrior. Oui. On n'oublie pas le party de la semaine prochaine, on laisse parler Israël. Ouais, ben, on se fait du fun hier. Ah oui, c'est vrai, parler de la journée d'un petit peu. Merci, la journée d'hier. Ben, on peut en parler un petit peu. Hein, ben, on a juste fait ça. On a joué à Ikari Warrior. On est allé voir la madame dans le pawn shop. On est allé m'acheter un portable. On est allé. J'ai essayé de te montrer le tour à Barbie. Oui, Barbie au puis Nintendo. Puis je suis mort au dernier level. Ah, le jeu Barbie? Honte sur moi au Nintendo. Ah ouais. Infect. Ça devrait pas exister. C'est quel ton boss préféré? C'est celui qui... On va passer à ça. Hein? Pour okay, l'instant, on vous laisse pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté 70%. La semaine prochaine, ça devrait être un spécial Halloween horreur. Là. Ouais. On verra bien. On va trouver quelque chose. Zombie nous a demandé ça, hein, parce que c'est quand même sa fête. Là. Oh, OK, mais merci. Vous avez écouté 70%. Puis la vie est belle. La vie, des fois. Des fois, c'est de la merde. Des fois, c'est beau. Mais non, c'est beau tout le temps. Moi, j'aurais aimé que ça reste la dernière parole. On se bat. All right, c'est bon, c'est fini. Là. Tiens. Laissez-moi deviner. Un gars suspecté d'avoir tué des flics vous tire dessus à 3 reprises. Vous tuez le suspect, sans bavure, légitime défense. Avec la loi de votre côté. Eh oui, l'affaire est bien ficelée. T'aurais fait un excellent scénariste. Tu sais, $1 million, ça fait énormément d'argent. Eh oui, un sacré paquet de flics. Tire-toi de là, Bonne! Je ne peux pas te laisser faire ça, Mac! Écoute-moi, fais pas l'idiot! Je ne peux pas rester là sans réagir! Tu vas foutre ta vie en l'air, Mac! Trop tard! Non! Non! Cette histoire restera entre nous. Bon sang, tu as ma parole. C'est bon, j'aime mieux ça, tu sais. Tu m'as fichu une sacrée trouille. Hey, c'est chaud. Vous m'avez au cerveau. Ça va aller mieux. Vous écoutez alternative urbaine. Bonjour, ici André et Richard de Plus Kid sur la meilleure radio internet Choc FM. There's a town I know called Nevers, no Nevers. Never was and was what it was when it was and once knew Nevers, knew Nevers. Nothing ever I'll ever learn. There's a village I visit that's vaguely, sort of vaguely, vaguely as I seem to recall, though it's unclear, clearly, vaguely, very vaguely. Can say it's been there once and for all. I put back on my overshoes and got in my Renault. The trip she set, so I'm unsure how far it is to go. But then it hits me slap. I've left it off my map. Lundi 22 octobre, vous écoutez l'épisode 16 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. Aujourd'hui, Dans ta bulle reçoit le bédéiste Boulet, qui était au Québec pour le rendez-vous international de la bande dessinée de Gatineau. Ce sera l'occasion de parler des nombreux projets de cet auteur touche-à-tout. Alors, Boulet, bonjour. Bonjour. Je disais dans l'introduction, je parlais d'un auteur touche-à-tout. Est-ce que tu estimes que ça te colle bien quand on utilise cette phrase? Oui, enfin, touche-à-tout, ça ne veut pas dire qu'on réussit dans tout, mais c'est au moins qu'on essaye, donc pourquoi pas.